Nous sommes à la pointe de l'information sur France Inter. Je vous dis donc que nous sommes lundi aujourd'hui, jour de retour au travail, parfois difficile après le week-end. Eh bien Jean Lebrun, vous nous rappelez qu'au 19e siècle, les ouvriers des ateliers à Paris avaient réussi à imposer, ce qui réjouirait une partie d'entre nous, le lundi chômé. Alors, il arrivait qu'ils puissent venir travailler le lundi matin, mais alors à 13h55, D'accord. Direction le marchand de soupe, qui était aussi marchand de vin. Et là, on se tenait un bon moment, souvent jusqu'à ce que les articulations se grippent, et qu'en se levant difficilement, on se voit gondoler. Attention, ce jour de chômage sauvage était l'apanage des ouvriers qui se disaient sublimes, et pour les plus coriaces d'entre eux, sublimes des sublimes, sublissimes en somme. Alors, les sublimes, c'était ceux qui, étant irremplaçables à leur poste, pouvaient se permettre des privautés. Exactement. Leur apogée se situe à la fin du Second Empire. D'une part, les ateliers sont prospères. D'autre part, Napoléon III libéralise son régime, permet les premières organisations syndicales, tolère les réunions. Et dans un livre qu'il publie au début de 1870, donc avant l'année terrible, Denis Poulot, un ancien des arts et métiers qui connaît de près les travailleurs manuels, explique combien il est devenu difficile de les commander. Les ouvriers ordinaires, enfin ceux qui boivent modérément, obéissent facilement, épargnent précisément, sont devenus minoritaires. Il y a, dit Poulot, deux tiers, voire davantage, de sublimes excellents travailleurs, certes, mais paresseux, immoraux, discuteurs. Et le quartier général, c'est le marchand de vin, comme dans l'Assommoir de Zola. Zola a lu de près Poulot, il le dit clairement, d'ailleurs il n'a pas été gêné d'emprunter beaucoup à son livre. Oui, le marchand de vin, ça peut être une machine à saouler, c'est le vrai nom d'un établissement où les sublimes se lavent la dalle et s'arrosent la tronche. Moi aussi j'emprunte à Poulot. Mais pour lui, le marchand de vin, il est dangereux pour une autre raison, c'est un sénat. Généralement, le comptoir est occupé par quelques individus bien taillés, à la voix caverneuse. Ce sont les orateurs de ce parlement du peuple que personne n'ose gêner, ajoute Poulot, alors qu'il déploie des théories absurdes sur la métamorphose nécessaire de la société. À cette époque, la demande d'ouvriers dépasse l'offre et les patrons en viennent à dépêcher chez le marchand de vin un jeune homme bien mis qui demande poliment au sublime « Pardon monsieur, mon atelier cherche un tourneur ou un ajusteur ». Alors, 3 jours de travail par semaine et 2-3 patrons par mois, ça peut être le bon rythme pour les interlocuteurs du jeune homme qui répondent ce qu'ils veulent. Il est vrai qu'il s'appelle les côtes en long. Comprenez toujours pas ce que ça veut dire, Bruno. Je pense que ça veut dire la flemme. D'accord. Le robinet de vidange, François la bouteille, tire-bouchon ou le verre à chopine qui n'est pas un dé à coudre. Ça, en effet. Les sublimes seront, l'année qui suit, la base sociale de la Commune de Paris. Et la Commune, en 1871, ce sera le champ du cygne de ces ouvriers que Poulot décrit comme inassimilables, assez bien formés pour être conscients d'appartenir à une aristocratie, assez bien informés pour demeurer récalcitrants au pouvoir bourgeois. Après la répression de la Commune, le sublimisme, et avec lui la Saint Lundi, disparaîtra. Poulot, c'était au fond un brave homme, hein, volontiers facétieux et ripailleur lui-même. Il n'avait pas souhaité cette fin. Il en avait prévu une autre, inévitable. Dans l'industrie, disait-il, les machines feront tout. Les travailleurs qui conduiront ces machines après un court apprentissage, sachant qu'on peut les remplacer facilement, tiendront à garder leur place. Et ils seront à leur poste, comme nous, Bruno, tout gentil, un lundi méchant. Lundi méchant, chanson de Gaël Faye. Merci Jean Lebrun.